une heure et demie de sport avec nous. Vous allez feuilleter tout ce qui s'est passé de bon ce week-end en matière de sport et de résultats. Mais juste avant, dans cette équipe qui est top tonique, on va essayer de voir si Monique Calleux va très bien. Salut Fred, salut l'équipe. Tu as chaussé les baskets ce week-end ou pas? Non, ce week-end j'ai fait repos. Mais tout à l'heure, tu vas voir, on te fait faire de la piste. Tu vas voir pourquoi. Avec nous, Gilles. Bonsoir tout le monde. Ah, il faudrait lever le protège-dents, Gilles, parce que depuis le rugby à 13 de dimanche, c'est là, il me semble que tu l'as gardé. Bon, on va voir si. Tiens, te voici, juste avant de voir mon acolyte Didier Bougon. Qui est sur les starting blocks ce soir. Tout à fait, tout à fait. Il faut, hein, ça fait partie du jeu. Et puis si on est dans les starting blocks, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous attend, de belles surprises pour ce soir. Alors, on va juste laisser. On va se faire plaisir et nos auditeurs vont avoir les oreilles qui vont siffler, mais c'est pour une bonne cause et des bonnes causes pour le sport. D'accord, pourvu que tu ne nous parles pas en russe. Non. Avec nous, Jean-Yves, l'acolyte qui était sur les terrains ce week-end. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et bien sûr, l'incontournable Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir à toute l'équipe et puis à mes côtés, Fred. Bien sûr. Oh, merci, c'est gentil. De ta part, rien que pour ça, eh bien, on va démarrer à 200 km/h. Non, je plaisante. On va aller un petit peu moins vite, mais on démarre avec le sommaire. Et c'est Marie qui s'y colle. Alors, ce soir, dans l'émission du football en CFA, le Pontet fait match nul à l'OM et l'entraîneur s'en va. Tous les résultats dans cette émission. Handball National 3, les filles de Mazan ont échoué à l'extérieur. Et en pré-national, les Sorgues du Comtat ont-elles gagné? Vous le saurez ce soir. Rugby à 15, la SBC a réussi à Montélimar en fédéral 2. L'Isle-sur-Sorgue gagne face à Palavas et tous les résultats et analyses avec Fred et Jean-Yves, bien sûr. Rugby à 13, élite 2, le derby qui promettait entre Carpentras et Entraigues est revenu aux Carpentrassiens. Boxe, point, pied, le World GBC Tour, c'est samedi à Mazan, salle de la Boiserie avec le grand retour de Bruce Caudron. Motoball, après leur belle victoire à 3, les Jaguars sont-ils champions de France? Réponse ce soir. Horizon, le magazine des rendez-vous du week-end avec moi-même. Et ce soir, le magazine Focus qui reçoit Jean-Pierre Bouix, la voix de la course à pied, Ahmed Kartoffé et Emounir Yemouni, adjoint au sport de la ville d'Avignon. Voilà, je crois que le programme est planté. On a mis les jalons pour une superbe émission. J'espère que vous allez rester une heure et demie avec nous. Le point d'orgue, bien, c'est tout à l'heure, bien sûr, dans Focus. Avec Jean-Pierre Bouix à nos côtés, vous allez voir. C'est un livre parlant sur la course à pied et une mémoire vivante. Mais revenons plutôt aux résultats. Top chrono, football. Football! Tiens, j'ai posé une question juste avant de voir les résultats de cette journée de championnat à mon ami Jean-Yves. Voyons les résultats en CFA en groupe D. Vous savez que c'est un petit peu la crise du côté du Pontet puisque l'entraîneur a été limogé. Il est parti, il a posé sa démission et c'est Kader Nasri qui va récupérer temporairement l'entraînement de cette équipe 1 qui est allé faire match nul du côté de l'Olympique de Marseille 2. Un bon résultat, mais ils sont toujours bien derniers dans ce championnat puisqu'ils sont 16e. Et le premier, bien sûr, c'est Fréjus Saint-Raphaël qui a encore gagné ce week-end, il me semble. Si je ne me trompe pas, je regarde. Oui, tout à fait. Non, ils sont allés faire le nul du côté de Colomiers et ils ont, bien sûr, 14 points. Et le Pontet se traîne à la dernière place avec 5 points. En Ligue Honneur, Pernes recevait Marignane Gignac 2. Match nul, un partout. Et c'est qu'il est propulse à la 12e place. Là aussi, un championnat très délicat, puisqu'après la deuxième journée, Beaulieu tient la tête avec 8 points. Et on retrouve à la 12e place Pernes avec 3 petits points. En division d'honneur régionale, c'est vrai qu'on regarde du côté de Courthézon, savoir ce qu'ils ont fait, nos Courthézonniers. Eh bien, si je ne me trompe, ils sont allés gagner du côté de Marignane 3, Gignac 3 buts à 2, Courthézon qui se relance dans ce championnat après deux journées puisqu'ils sont 10e et ils ont 5 points. Et le premier est le Pontet 2, bien bizarre, hein, ce Pontet qui trébuche avec la 1 et qui brille avec la 3 puisqu'ils sont allés faire match nu du côté de Martigues. 3 partout, oui, qui tient aujourd'hui bien sûr la tête de ce championnat de DHR. Revenons avec deux petits résultats en district Renaud-Durance. Le match entre Nyons et Courthézon 2 a été remis et Carpentras qui recevait l'US Avignon, ils ont fait un partout et Mayanne le leader est allé et s'est fait accrocher par Nov le voisin, 3 partout et c'est Mayanne qui est premier dans cette PHA. Et Courthézon est second. On regarde du côté de Nyons qui sont montés cette année et qui sont à l'heure actuelle derniers après deux journées de championnat, un match nul et une défaite. Cette équipe de Nyons qui avait été félicitée lors des trophées du foot. Voilà pour le football, pardon. Top chrono, motoball. Allez, on va appeler Alain Lempereur, il est avec un des machos. Je crois que c'est... Teddy ? Non. Un des machos. Alors on va voir, on va essayer de l'appeler. Anthony, alors Anthony Macho avec Alain Lempereur, une superbe victoire face à Troyes, mais chez les Troyens, 5 à 3, ce qui les propulse vers le titre. On peut dire déjà ce soir que le titre est en poche. La fête sera belle ce week-end du côté du stade. Déconfine, pardon. Ouais, Jean-Yves est en train un petit peu de regarder son portable. Ah, pas du, je te suivais. Oui, d'un petit œil. Hein, alors, on va voir un petit peu comment ce voyage à Troyes s'est passé. On a Alain Lempereur. Bonsoir, Alain. Oui, salut, Fred. Ah, alors, Alain, je crois que tu es en plein bourre, hein, c'est le cas de le dire, parce que nous aussi, hein, on a mis un petit peu les watts et surtout la poignée de gaz en coin, puisque vous êtes allé faire ce qu'il fallait faire. Il fallait les gagner à Troyes et vous l'avez fait de telle manière que on peut dire que le champion de France est beau cette année. Même si, bon, j'exagère peut-être un petit peu parce qu'on dit toujours qu'il faut attendre, mais maintenant, je pense qu'est-ce qui peut vous arriver? Pas grand-chose, quoi. Hein, Et moi, tu sais que je ne fonctionne que lorsque j'ai les poignées dans la... Ouais. Dans la Besançon. Eh non, il nous faut encore une victoire. Il nous faut encore une victoire. Et on a la chance pour tout le monde, pour le public, pour tous les dirigeants, pour tous les supporters et surtout les joueurs de jouer ce match samedi. Et on va essayer d'offrir à tout Monteux un premier titre de champion de France. Mais on va le jouer. Ouais, vous avez joué. Comment s'est déroulée cette partie? Est-ce que les garçons étaient quand même appliqués? Parce que c'est vrai qu'on va dire que depuis cette finale perdue du championnat de France face finale de la Coupe de France, pardon, face à Camaré, les garçons avaient besoin de repères, aller chercher une victoire à l'extérieur, aller battre cette équipe de 3 à domicile, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je pense qu'il a fallu quand même beaucoup d'abnégation et de réalisme face au but troyen. Oui, mais c'est ça. Bon, ça a commencé déjà mardi où il y a eu une petite discussion entre joueurs et staff qui a été extrêmement réconfortant pour tout le monde. Voilà, tout le monde s'est remis en question, tout le monde a dit ce qu'il avait à dire et les gens, ils ont dit, maintenant on va les jouer, on va montrer ce qu'on sait faire. Et voilà, il y a eu un état d'esprit mais irréprochable de la part de tout le monde. Tout le monde a donné son corps pour conserver le résultat des buts extraordinaires. Une ambiance de folie, voilà, c'est vraiment la fête du motoball qui s'est passé samedi et on en est vainqueur. Ben, tant mieux pour nous et tant mieux pour le club. Alors je crois que tu as le joueur à tes côtés, un artisan de cette belle victoire. Voilà, je vais le chercher. Allez, c'est Anthony Macho qu'on va écouter. On est très heureux de l'avoir, Anthony. Anthony qui va peut-être, je ne sais pas si c'est... Où est Anthony? Là, c'est Loïc Mathieu, c'est le capitaine. Loïc, pardon Loïc. Je te le passe. Bon, capitaine Loïc, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Allô, Loïc ? Oui. Oui, Loïc, capitaine Loïc, on va dire. Très heureux de cette belle victoire à Troyes. Ça ne devait pas être simple. Vous connaissiez l'enjeu et surtout, on va dire, cette victoire, il a fallu, quoi. C'était très important pour la suite de ce titre qui vous tend les bras. Comment s'est dessiné un petit peu cette partie ? Et ce match, pardon. Loïc. Allô. Oui, Loïc. Allô. Ouais, Loïc, est-ce qu'il est là? Oui. Fred, j'entends pas mal, là. Ah bon? Ah, apparemment, pour nous, au niveau du studio, on vous entend très, très allô bien. Ouais. Ah, ça y est, attends, bouge pas, je te repasse, Loïc. Voilà, on est en direct, bien sûr, sur Fly FM, en direct, bien sûr, du stade des Confines, oui, où vous allez vous entraîner, les garçons. Oui. Ça y est, on entend mieux, là. Ça va mieux. Loïc ? Ouais, là c'est sympa mieux. Ouais. Alors, rappelle-nous cette belle victoire, comment elle s'est décidée, comment vous l'avez mûri, parce que pour aller gagner à 3, je pense que 3 connaissait l'enjeu de ce match, et vous avez gagné de belle manière, hein. 5 à 3, c'est exceptionnel, c'est le match parfait, presque. Oui, c'est le match parfait de la saison qu'on n'avait pas encore fait. Il fallait le faire, on l'a fait à ce match-là qui était très important et très dur. Et bon, c'était ou nous ou eux, hein, par rapport au classement, ils pouvaient prendre des points et peut-être être potentiellement au titre de champion. Donc nous, on s'est dit que bon, on n'avait plus trop de chance sur ce point-là, et donc on a joué avec du cœur et arriver à remonter aussi la pente de la coupe qui nous a fait très mal. Ouais, ouais, parce que vous avez eu beaucoup de cœur, vous avez mis beaucoup d'abnégation, parce que 1360 spectateurs, on va pas dire qu'ils étaient tous venus pour vous applaudir, quoi. C'est ça. Et puis au contraire, ça nous a encore plus boosté, puisque voilà, quand on joue dans des publics comme ça, où il n'y a personne avec vous, et on n'a pas de notre public à nous, il n'y a personne, eh bien, on a mis ce qu'on a fait de mieux pour arriver à récupérer des points, surtout là-bas, voilà, en haut. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont le faire, mais voilà, nous on l'a fait, et maintenant, ben, on n'a plus qu'à faire chez nous pour arriver à voilà, sortir ce titre qui est peut-être mérité ou par rapport au travail qu'on fait. Ouais. Loïc, bonjour. Jean-Yves, Loïc, on a l'impression que vous êtes un petit peu en réaction cette année, qu'il faut que vous soyez en difficulté pour que vous alliez vous rebeller, et probablement que le confort, entre guillemets, d'une finale, d'une saison qui se déroule relativement bien pour vous, c'était un petit peu trop, le fait d'avoir été en difficulté après justement la Coupe de France, et de ne pas avoir fait un bon match la semaine d'après, etc., ça vous a remis dans le... ça vous a reboosté pour retourner un peu au combat, pour retourner un peu vous bagarrer. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est ça. Après, il faut dire qu'on s'est toujours battu quand même depuis le début de saison. Après, c'est vrai qu'on était un peu sur des acquis. La finale, bon, on l'a mal pris. On était chez nous, donc on a eu beaucoup de pression. Pour certains, c'était la première. Donc voilà, bon, les anciens comme nous, on n'est pas arrivé à faire ce qu'il fallait. Et après, bon, rebondir, c'est très dur de rebondir après avoir perdu chez vous une Coupe de France. C'est pas pour tout le monde, ça sera pas peut-être pour toutes les années. Donc on l'a eu amer. Et pour certaines personnes, on aurait pu couler. Et c'est pas le cas. On a repris de suite le match d'après contre Camaré, où on a fait 1-1, mais bon, c'était pas un score mérité. Et derrière, on gagne au Beaujoucourt. Et on est arrivé à remonter la pente. Et ça, c'est, je crois que c'est le plus beau qu'on peut avoir. Et on voit l'équipe, voilà, soudée. Et ça, c'est important. C'est comme ça qu'on gagne des matchs, c'est quand on est soudé et qu'on discute beaucoup. Voilà. Ça. Mais c'est vrai que voilà, on a eu le cœur et d'aller chercher cette victoire là-bas en haut. Loïc, est-ce que cet état d'esprit sera encore d'actualité de samedi soir contre Carpentras, cet esprit bagarreur? Oui. Mieux, je pense mieux. Mieux, parce que là, on n'est pas encore, voilà, nous, pour nous, on n'a rien gagné. Pour l'instant, nous, on reste sur les matchs, on va faire les trois matchs qui nous restent à fond. On veut, voilà, essayer de, comme il dit le coach, d'aller chercher ces trois finales qui nous restent, et pour arriver à être invaincu jusqu'au bout du championnat, voilà. C'est notre objectif. Ouais, Loïc, c'est l'objectif. Nous, on espère que tu sois champion de France. L'année dernière, on avait fêté le titre vice-champion de France. Cette année, champion de France, dès que tout va redevenir un petit peu au calme, qu'on fête un petit peu ce titre, on vous invitera tous, on fera une émission spéciale, on remontera un petit peu la saison, on parlera de cette coupe, hein, de Coupe de France qui a été manquée. Mais ce titre, ouais, de champion de France qui est bien plus important, Loïc, c'est ton premier, c'est ton second, c'est ton troisième de titre pour toi. Mon premier. Ton premier, bon, ben écoute, d'accord. Là, ce sera mon premier à monter. Ouais. Bon, vous aurez, si samedi soir vous gagnez, vous allez avoir mal à la tête après, non? Je pense. Allez. On va le fêter doucement parce qu'on a encore des matchs à suivre, mais, ouais, mais bon. On va quand même se lâcher un petit peu. Oui. On va se lâcher un petit peu. Allez, ramenez-nous le titre de champion de France dès samedi soir. Merci. Face aux frères ennemis de Carpentras. Et puis ça serait magnifique. Merci, Loïc. Ouais. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Voilà les Jaguars de Monteux qu'on verra, Jean-Yves, rapidement pour parler d'eux cette année, une année exceptionnelle. On avait dit un des trois, je crois qu'ils prennent le plus beau. Écoute, Eric Palaillé avait annoncé en fin de saison dernière qu'il voulait pas rester sur ce sentiment d'échec. Pour lui, c'était un échec. Et ben voilà, il est en train de tenir ses objectifs. Les présidents qui tiennent leurs objectifs avec leur effectif sont rares. Quand tu annonces que tu es champion et que tu es champion, bravo. Top chrono, handball. Il faut suivre, hein. Il y a la feuille. Allez, on est revenu avec le handball. Il y avait bien sûr une journée de championnat. Il y avait surtout la nationale 3. Les filles de Mazan étaient à l'extérieur. Malheureusement, pour le moment, elles ne voyagent pas trop bien quand il s'agit d'aller taper un petit peu pas les gros. Mais on va dire des équipes de calibre moindre, eh bien ça se passe pas toujours très bien. Marie, je te propose les résultats de la poule 8, cette équipe de Mazan. Alors, Bouillargues, Plan de Cuc, 33-26, Lacro, Mazan, 26-24, Cagnes, Clermont, 26-37, Grasse, Étoile Beauvais, 18-24, Hier, Bourg-de-Péage, 24-34. Alors, Bourg-de-Péage est premier, l'Étoile Beauvais, deuxième, et Mazan se situe quatrième sur 12. Quatrième place, Karl Vinsono, qu'on aura l'occasion bien sûr de revoir avec Pascal Vassé. Nous parlerons un petit peu de ses filles qui vont jouer cette année. Ils veulent essayer de jouer la montée ou pourquoi pas être dans, on va dire, le trio de tête de cette poule 8. On sera bien sûr très attentif à ce championnat qui reste très long puisqu'on jouait que la troisième journée en pré-national féminine. Rien ne va plus, juste avant de revenir peut-être avec Jean-Yves sur une analyse complète sur le handball. Revenons à la pré-national féminine et les filles des Sorgues du Comtat sont bien dernière, c'est bien ça. Eh oui, les 12e. 12e, alors le résultat de la soirée. Alors, Châteauneuf, Porte d'Aix, Bouc, 27-31, Aiguère-Gardanne, 28-25, les Sorgues du Comtat, Monteperne contre Marseille, 29-39, Miramas, Port-de-Bouc, 29-28, La Ciotat, Grand Avignon, 20-30, et Bolène-Sorgues, 30-20. Alors, la SPTT Marseille est premier, Grand Avignon est troisième, Bolène neuvième, Sorgues onzième et les derniers, Sorgues du Comtat. Oui, les Sorgues qui sont montées cette année en pré-national et dont, on va dire, le lourd apprentissage d'une montée peut-être prévue ou pas prête ne fait que, on va dire, la délicatesse de pouvoir tenir dans une pré-national. Jean-Yves, une petite analyse, si tu veux, ouais, sur l'handball. L'analyse, tu sais Fred, c'est toujours le même problème, c'est quand tu montes d'une division comme ça, soit tu es complètement prêt et tu arrives à l'anticiper, soit tu es prêt mais c'est compliqué, c'est toujours compliqué, on l'a vu hier sur le rugby à 13, on pourra en reparler, mais c'est toujours compliqué de monter. Top chrono, basket. Allez, basketball, on va y mettre les pieds dedans puisque la nationale a eu joué. Avignon nous a séduit, Jean-Yves était sur place. Je vous propose juste d'écouter, on va démarrer les choses un petit peu à l'envers. On va écouter Monsieur Martin, le président, qui était pas des plus rassurés. Mais malheureusement, aujourd'hui, il est pleinement rassuré. Et Jean-Yves va bien nous expliquer tout ce que va dire Monsieur Martin, le président de cette SAP Avignon, le Sorgues. Décidément, il ne veut pas nous parler, Monsieur Martin, je crois même avec... Bon. Eh bien, Monsieur Martin, bon, alors Jean-Yves, revenons un petit peu à cette soirée de championnat. On jouait bien sûr la troisième journée. Avignon recevait une équipe d'Andrézieux qui reste un petit peu entre deux, hein, ouais, si c'est ce qu'on veut dire. S'adapte à ce que j'ai dit. C'est ce qu'on disait à l'instant pour le hand, Fred. Andrézieux, qui est une équipe qui monte à ce niveau-là de la compétition, ils sont prêts, mais malgré tout, on le voit, ils sont un petit peu en dedans. Pourtant, ils mettent du cœur. Il y a énormément de... Ils font ce qu'il y a à faire, mais voilà, la montée, ben, c'est toujours un petit peu compliqué face à une équipe d'Avignon. Dommage qu'on n'ait pas le son de M. Martin, mais l'équipe d'Avignon qui avait prévu de monter en puissance petit à petit. Un premier match à domicile compliqué. La semaine dernière, ils sont allés gagner à l'extérieur. Cette semaine, ils gagnent à la maison et de fort belle manière, puisqu'il y avait 25 points d'écart, me semble-t-il. Et même un petit peu plus. Et ben voilà, on a vu du beau basket, on s'est régalé. On a l'impression que cette équipe, par moment, elle déjoue. Et finalement, eh ben, ils sont là. C'est un collectif qui a l'air plutôt bien huilé. Il y a moins d'individualité qu'il y en avait l'an dernier. Des joueurs qui brillaient l'an dernier ne brillent plus nécessairement cette année. Mais comme le précisait Jäger, il a moins besoin de surjouer cette année, puisque l'effectif qui est autour de lui, le groupe est beaucoup plus compact et chacun est positionné, chacun fait le job pour lequel il est là, contrairement peut-être au système de Stéphane Dao précédemment, où ça se jouait beaucoup plus sur quelques individualités. Et là, il n'y a pas de mecs qui ressortent vraiment du lot, Fred, mais par contre... On a l'impression que c'est compact, on le voit, les stats montent crescendo, il n'y a personne qui se détache et on a une paire de mecs à presque 30 points. Alors on sera très attentif à ce Grand Avignon Sorgues, ce SAP qui est ce soir 8e après la 3e journée, 2 victoires, une défaite. Là, c'est vrai que tout a été rechangé, station, c'est la 3e année, c'est là où on va sceller peut-être un grand club, c'est là où on va avoir l'explosion. Alors, des deux parties. Bien sûr Fred, c'est là que tout se joue en fait, hein. Soit la fusion fonctionne et l'équipe se qualifie, c'est le but de tout le monde. Le président s'est fixé cet objectif, les joueurs sont conscients de cet objectif, tout le monde est prêt à jouer les playoffs. S'il n'y avait pas les playoffs, par contre, ça pourrait remettre, parce que à l'intérieur du club, on le sait, lorsqu'il y a une fusion, il y a toujours une partie des gens qui refusent cette fusion. Soit ça passe, soit ça casse, et pour le moment, le pari a l'air payant, pour le moment. La pub, on revient tout de suite. Top chrono, basket. On va rester avec le basket juste après cette de pub, et c'est la Nationale 1. Marie, les résultats de cette troisième journée de championnat. Alors, Lorient-Chaland 88-85, Grand Avignon-Sorgue-Andrézieux 90-68, Caen-Tarbes-Lourdes 97-63, Centre fédéral Quimper 44-87, Griesse-Aubert-Hoffen-Jet-Vosges 58-66, Rennes-Vitré 70-63, Saint-Vallier-Angers 84-71, Chartres-Souffelway 66-88 et enfin Orchy-Rueil 97-92. Grand Avignon se situe 8e sur 18. Alors Souffelway, il y en a qui disaient Souffelsheim. Souffelway. Ils doivent manger, bien sûr, sûrement de la tartiflette. Non, là, pas du tout, non. C'est plutôt culinairement de la choucroute, là, non. C'est l'Alsace, non. Non, c'est l'Alsace, c'est ouais, la Lorraine. Par là-bas. Ouais, ouais, bon. Messieurs, on va juste, si on regardait juste les stands, de regarder la Nationale 3. Est-ce que le Avignon, le SAP jouait dans cette Nationale 3 ce week-end? Oui, alors Saint-Vallier de Montélimar 66-67, Sorgue-Avignon-le-Pontet contre Terre Froide 84-76, Portisère-Ravoir-Chalès 75-81, Roche-la-Molière-Aix-Maurienne 79-73, Tain-Tournon-Saint-Just-Pontoise 60-58, Saint-Chamond-de-Nord-Ardèche 82-67. Et Sorgue-Avignon-le-Pontet est premier sur 12. Ça c'est une bonne nouvelle en National 3, ça veut dire que la réserve de Avignon-le-Pontet en basketball fonctionne très bien, et la Nationale 1, on va dire que pour le moment on est en rodage, on espère que ça va s'accélérer et rejoindre le trio de tête, ça devrait plus tarder quoi. On aura l'occasion d'entendre l'entraîneur qui a accepté de venir répondre à nos questions, probablement une des semaines qui arrivent, Fred. En tout cas pour le moment ça a l'air assez compact, ils ont l'air de savoir où ils vont, le coach et le staff a l'air de savoir où ils veulent aller, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on est toujours en direct avec Gilles et on va prendre bien sûr la suite du programme en espérant retrouver le son de nos invités. Alors on va voir ce qui va se passer, allons-y. Top chrono, rugby à 13. Allez, on était 13 sur le terrain, il y avait un rugby, surtout il y avait un derby, mais quel derby, les retrouvailles qui ont été peut-être à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais est-ce que les marrons étaient de sortie, Jean-Yves? Quelques-uns, Fred, mais les bonnes manières se perdent. Il y a beaucoup moins, de marrons qu'il y en aurait eu il y a une quinzaine d'années. J'étais hier avec, tu sais, je faisais équipe avec Ludo Titeux, le fils de Serge, et on se faisait cette réflexion-là à un moment, parce que un derby comme ça, des retrouvailles en Elite 2 il y a quelques années, ça aurait été juste invivable, ingérable pour tout le monde. Là, il y a bien eu quelques marrons. Mais c'était gentil, et puis on a l'impression que les mecs se connaissent tous, ils n'ont pas envie de se filer des marrons parce qu'ils se voient toute la semaine après, ils se font la bise avant le match et tout. Bon, c'était un bon match, c'était une bonne façon d'entamer la saison, puisque quoi de mieux pour entamer une nouvelle aventure en Elite 2 que de se retrouver face aux voisins séparés de 10 km à l'extérieur. Impossible, on se fait les manières, on s'embrasse juste avant de rentrer. Ah mais ils l'ont fait, ils se sont embrassés avant les manières. Il y a bien eu quelques marrons qui ont été échangés, mais c'était des gentils marrons, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de grosses bagarres. Voilà. Sur le terrain, ça a été de même au niveau du jeu. Parce que bon, alors sur le, son... sur le terrain, on est un petit peu déçu du niveau. On est un petit peu déçu, notamment du niveau de Carpentras. On pensait que Carpentras allait asseoir une supériorité bien plus importante sur ce match-là. Chacun a eu sa mi-temps. Les Carpentrasiens, avec un jeu classique, on va dire, un jeu fait de force, de rude, de comme on connaît les Carpentrasiens, ça c'est dans leur gène. Eh bien, ils ont monopolisé la première mi-temps. Le temps que les Entrégois rentrent dans le match, ça a été compliqué pour eux de se faire au rythme et de rentrer dans le match. Peut-être qu'il y avait énormément de pression. Ils se sont probablement beaucoup poser de questions, est-ce qu'ils seraient au niveau, machin. Ils sont au niveau, Fred, il n'y a aucun problème. Ils sont au niveau, en tout cas, sur ce qu'on a vu hier. Des Entraigois qui ont fait une seconde mi-temps de fou. Ils ont juste carbonisé les Carpentraciens pendant quasiment une demi-heure. Et puis, tout à coup, le rugby à 13, c'est ce qu'on aime dans ce sport, va savoir pour quelle raison. D'un coup, il n'y a plus rien qui marche. Ils encaissent 3 essais, ils perdent, malheureusement. Ça offre une belle victoire à Carpentras, mais on va y revenir parce qu'on a des petits soucis apparemment pour le son. C'est pour ça que cette analyse va être un petit peu plus élaborée dans quelques minutes quand François nous aura rejoint, hein, puisqu'on va avoir notre technicien dans quelques minutes qui va venir, puisqu'on est en direct, hein, vous vivez avec nous depuis pratiquement 30 minutes les résultats de sport. On va rester bien sûr dans ce rugby à 13, peut-être j'arrive pour parler de l'élite 1 et de l'élite 2, les résultats. Alors tu peux peut-être nous les commenter. Ouais, l'élite 1, ben, ça a été c'était la deuxième journée ce week-end en élite 1 pour le SOA. Le SOA qui retournait à Perpignan, ce coup-ci pour affronter les Baby Drax, c'est-à-dire cette année ils ont appelé ça les moins de 23, c'est la réserve, c'est l'équipe d'élite 1. Et puis ils ont ramassé, ils étaient bien jusqu'à la mi-temps, et puis ils auraient pu le faire, jusqu'à la mi-temps ils auraient pu le faire, et puis en deuxième mi-temps, probablement l'apport des joueurs de Super League pour les Catalans, et bien ça, voilà, c'est parti, 44 à 28. Il n'y a pas grand chose à regretter, simplement il faudra vite remettre un coup de barre dès samedi, puisque le SOA reçoit Lézignan, un prétendant au titre de champion de France. Donc ça sera un superbe match à Saint-Ruf. Oui. Mais les résultats, juste les résultats. Oui, les résultats. Ben écoute, le 13 catalan donc a gagné sur le score de 44 à 18. Palo a battu les Toulouse Broncos, c'est la réserve de Toulouse. Lézignan Limoux 12 à 10. Là, c'était le derby. Carcassonne Albi, c'est là aussi un des favoris du championnat, qui a étrié Albi sur le score de 53 à 10. Saint-Gaudens qui fait son retour parmi l'élite 1 après pas loin de 10 ans de purgatoire, et bien ils se sont inclinés face à Villeneuve, Villeneuve-sur-Lot. Voilà, ce qui nous donne le SOA en 7ème position, Lézignan, et Villeneuve, par contre, c'est la surprise, puisque au bout de 2 journées, ils sont seconds. On les pensait un peu plus en difficulté. En élite 2, ben voilà, tout ça pour dire que Entraigue est 6ème après ce mauvais résultat entre guillemets à Carpentras. Carpentras est 3ème. L'Escure, ça va être l'épouvantail cette année en élite 2. L'Escure qui vient à Entraigue dès dimanche. Ah, oui, un match très attendu qui va permettre aux Entraigois pour le coup de vraiment s'étalonner. Se jauger. On a face à un ogre de la poule, c'est ça? Face à l'ogre de la poule. C'est pas un ogre de la poule, c'est l'épouvantail, c'est l'ogre. Ils ont filé pas loin de 100 points à Montpellier ce week-end. L'Escure qui a passé quasiment 100 points à Montpellier. Alors on va faire un petit peu différent. On va revenir bien sûr sur du rugby à 13. Dans quelques minutes, on va passer au rugby à... Okay. Top chrono, rugby à 15. Et bien là on passe au rugby à 15. On va y rester dans le rugby à 15, on va revenir à cette belle victoire. Je crois qu'on a Cyprien Barneron au téléphone de la SBC. Une belle victoire du côté de Montélimar. Rien de simple dans cette fédérale 2 pour le 4, puisque 3 matchs, 3 victoires. Bonsoir Cyprien. Bonsoir. Comment tu vas ce match, surtout à Montélimar? On connaît un petit peu la dureté des nougatiers, parce que bien souvent, Montélimar-Bédaride, ce n'est pas des gens qui se font la bise avant de rentrer sur le terrain. Est-ce que tout ça a été correct? Et surtout, vous avez mûri une victoire qui ne devait pas être des plus faciles, non? Bah écoute, ça va, merci. Un peu cassé quand même, parce que bon, ça n'a pas été si simple que ça quand même de gagner là-bas. Parce que bon, on est sur des Montiliens qui ont pas laissé le match non plus. Après voilà, c'est un peu compliqué la tâche, parce qu'on aurait pu gagner un peu plus facilement, mais voilà, c'est 4 points de prix à l'extérieur, et ça fait toujours du bien. Comment vous avez, parce que bon, j'ai pas suivi du tout le match, peut-être que tu nous peux le faire un petit peu, on va dire, une radiographie de ce qui s'est passé. Vous avez vite pris le score, comment ça s'est déroulé? Ouais, on a marqué au bout de, je crois, la 6ème ou 7ème minute. Et après, direct, 10 minutes, au bout de la 10ème, on remet 3 points. Donc, on mène 8-0. Après, on prend un essai sur un ballon porté, donc ils reviennent à 10 à 7. Et puis après, voilà, on a pris le jeu à notre compte, et puis on a mis 3 points par 3 points pour arriver à un score de 22-10 au final. Voilà. Ouais, bonjour Cyprien, Jean-Yves. Oui. Cyprien, le retour de Fred, qui était Fred Roche, qui était manifestement en folie ce week-end, qui marque l'ensemble des points pour la SBC. Ouais. Qu'est-ce que est-ce que y a, on sait qu'ils voulaient pas faire l'ascenseur, ils étaient prêts, ils avaient l'argent, ils avaient les joueurs, donc c'est une bonne nouvelle. Les angles, c'est la même, les angles sont seconds, mine de rien, 3 matchs, 3 victoires, dont 2 à l'extérieur. Voilà, c'est bien, les équipes régionales, enfin les équipes locales, nos équipes locales brillent, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le Ponté par contre qui poursuit son chemin de croix. Allez, on va donner bien sûr les résultats PACA honneur, parce que le SM de Monteux était là. Ah, tu l'as fait. Excuse-moi, mon Dieu, mais j'ai tout vu à l'envers. Bon, est arrivé Henri. Hein. On va tout vous signaler quand même. C'est Henri qui perturbe le spécialiste du football, est arrivé avec nous. On va lui faire parler 2 minutes parce que on en parlait déjà du football en tout début d'émission. Malheureusement, on va y revenir 30 secondes avec Henri. Restons sur le SM de Monteux. J'arrive là aussi en honneur. Les deux clubs vauclusiens qui sont sur Saint-Saturnin et Monteux vont se battre pour pouvoir accéder au fédéral. Ouais, les Montiliens et les Saint-Saturninois sont présents aussi. Là c'est pareil, c'est ça qui est là depuis en honneur depuis quelques temps et qui était un petit peu en difficulté. Les Montiliens par contre qui sont là présents, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. On a suffisamment décrié ce club de Monteux la saison dernière pour ne pas signaler lorsqu'ils font un bon début de saison, Fred. Voilà pour le rugby à 15 et on va rester dans le football. On continue avec Henri. Bonsoir Henri, comment tu vas ? Bonsoir, ça va bien. Alors Henri, c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de la CFA. Tu as pu lire dans les journaux que ça se passe très mal en ce moment du côté de la CFA. Ils sont allés faire un partout du côté Olympique de Marseille. C'est vrai que je me répète un petit peu. Une crise en cours. Apparemment, le président Djihad Merouet pourrait lâcher ce club du Ponté. Et on pouvait Nasri va devenir peut-être un entraîneur coach juste le temps qu'on puisse se retourner. C'est vraiment une grosse crise pour ce club qui est quand même huppé puisque c'est le club le plus haut dans le Vaucluse à l'heure actuelle. Tout à fait. Après, le problème d'un club qui se bat pour le maintien, c'est il faut que l'équipe soit très très forte et très solidaire. Donc après, il y a sûrement des manquements. Que ça soit tactiquement ou techniquement, il manque peut-être un peu plus de volonté sur le terrain. Mais j'espère que le Ponté se réveillera tôt ou tard. De toute façon, pour le moment, ils ne sont pas encore lâchés. Ils ont 5 points et les équipes qui sont juste devant sont à 6 et 8 points. Il n'y a rien de fait. C'est vrai qu'on est en début de championnat. On peut encore, pas se sauver, mais on peut quand même croire à une montée un petit peu plus rapide dans le classement. Tout à fait, mais après il faut que l'entraîneur qui prendra place puisse véhiculer un message qui donnera envie aux joueurs de se donner à fond pour ce club. Voilà, quand on connaît quand même Kader Nasri qui a organisé les trophées du foot. Henri, l'année prochaine tu seras à nos côtés, tu verras. C'est un garçon charmant et qui a vraiment des grosses idées pour le football. J'espère qu'il réussira avec la CFA du Ponté. On espère tous. Est-ce que tu avais noté quelques résultats, donc peut-être j'ai pas donné, du côté de la PHA, de la division districale? Tout à fait, la PHA, donc il y avait Carpentras qui jouait contre US Avignon 1-1, Veden 0, Montfavet 0, BC Isle 2, Perne 1, Niance et Courthézon, match reporté. Voilà, on va passer la pub et on revient avec Horizon. Ce soir, juste après, bien sûr, la page au football avec Henri. Henri qu'on retrouvera, on va essayer un petit peu d'être plus, on va dire, analyste et surtout avec un professionnel du football, parler football. Ce soir, ça a été encore un petit peu raté, notre rendez-vous, mais maintenant, c'est Horizon. Prenez un crayon, prenez vos agendas, soyez attentifs. Marie va tout vous dire ce qui va se passer ce week-end et vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Alors je vais continuer avec du foot tout d'abord. Alors samedi 8 octobre au stade des Capucins à Lille-sur-la-Sorgue, de 10h à 16h, il y aura un tournoi de l'Euro des U9. Un maillot en lien avec l'Euro sera offert à chaque joueur. Alors allez les entraîner, allez plutôt les supporter, c'est gratuit. Du 8 au 9 octobre, ce sera du vélo à Malocène avec la 17e édition Ventoux Trail Classique avec la participation de Charles Coutard. Ensuite, le dimanche 9 octobre, je vous propose les Trayades, le festival Trail aux Taillades, avec une course Les Mulets de 23 km avec un dénivelé de 1200 mètres. Ensuite, les Galinettes, 12 km avec un dénivelé de 550 mètres. Et enfin, les Pitchounets, ce sera une course de 1 km avec un dénivelé de 1. Les 7, 8 et 9 octobre, toujours au centre sportif municipal de Courtine. Alors là, on va changer de sport. Ce sera le 3e challenge national du chien de sauvetage en décombre. Alors ça peut être très intéressant si vous n'avez jamais vu ces chiens. Ils sont très doués. Allez vous y balader, vous rencontrerez certainement de belles choses. Ensuite, si vous êtes intéressé plus par du padel, alors je vous propose le 8 et le 9 octobre un tournoi de padel tennis. Avec, ce sera à Montfavet et c'est uniquement les réservations, uniquement par téléphone au 04 90 25 84 84. Ensuite, on va en parler tout à l'heure, il y aura bien sûr le World GBC Tour à Mazan, à la salle de la Boiserie à 19h avec la présence bien sûr de Bruce Caudron. Et je vais finir avec le meilleur pour la fin, samedi 8 octobre, une rando bistrot. De la terre au palais, 1000 arômes de vin biologique et ce sera du côté de Crayon le Brave. Voilà Fred, j'en ai terminé. Eh bien, écoute, j'en suis encore au tout parce que j'ai pas pu tout retenir malheureusement. Heureusement qu'à la rediff mercredi soir à 20h30, la rediff entière de Top Chrono, bien sûr, si vous l'avez raté le début, vous avez de quoi réécouter cette émission puisqu'elle passera mercredi à 20h30. Et maintenant, eh bien, juste avant de parler du World GBC Tour qui viendra tout à l'heure aux alentours de 19h30, couper un petit peu focus, c'est le magazine des sports de Top Chrono Focus. Ce soir dans Focus, on va parler athlétisme, on va faire le contour, on va parler un petit peu avec la mémoire de la course à pied. Un homme grand, un homme qui a été le premier magistrat de cette belle ville de Bulle-et-Baronnie, connu du côté culinaire pour son thé et surtout pour les ventes qui se passent du côté de Bulle-et-Baronnie. Ça s'appelle le Tilleul. Eh bien, vous verrez, cet homme de culture est avec nous. C'est Jean-Pierre Bouix. C'est bien sûr Didier Bougon qui va s'occuper aussi de Yémonie. Cet athlète que vous avez dû voir porter le haut la France dans toutes les réunions d'athlétisme sur piste, et bien c'est Didier Bougon qui va nous en parler. Bonsoir Didier. Bonsoir. Et je te laisse avec tes invités. Je pense que je vais pouvoir les tartiner beaucoup, ce soir. C'est la place est à moi, l'honneur est à moi de les avoir. Bonsoir Jean-Pierre en première main. Bonsoir Fred. Et bonsoir Yémonie. Voilà. Yémonie. Yémonie. Alors, Mounir. C'est dur conjuguer les deux. Yémonie, Mounir. C'est non ouais Mounir. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Alors tout mon plaisir c'est qu'il soit là parce que ce sont des personnes qui sont très demandées. Que ça soit Jean-Pierre qui au bout de plus de X mandats au sein de la ville de Bulle-et-Baronnie, maintenant qu'il est à retraite, tant mieux, mais encore c'est encore pire. Parce qu'il n'y a pas encore très longtemps sur les réseaux sociaux, je le voyais, il nous disait un petit bonjour de Rio, suite aux Jeux Olympiques, mais avant Rio, je te dis pas où il était. Alors, parce entre que... la Belgique et la Scandinavie. Alors, je me suis massé ses valises à Zaré, va le supporter ou c'est les valises qui le supportent? Alors messieurs, vous savez qu'on est en famille ce soir parce que Focus c'est ça, c'est la découverte un petit peu de nos invités. On a le libre choix de parler. On parlera bien sûr de la fédération. Tout à l'heure on aura peut-être André Giraud, il me semble, au téléphone. Oui. Ça nous fera bien plaisir de l'avoir parce qu'on est très attentif à tout ce qui se passe dans l'athlétisme. Je crois que Jean-Pierre, tu es bien impliqué là-dedans. Ah tout à fait, oui. Je suis presque tombé dedans étant petit. Et je crois que ma première animation de course pédestre, c'était à Valréas. C'était la course du Corso. C'était en 1976. Donc ça fait 40 ans que j'écume un petit peu toutes les pistes et surtout les courses hors stade. Oui, tiens, une première question qui me vient, Jean-Pierre. Est-ce que la course à pied qu'on connaissait les petites tours de ville, aujourd'hui deviennent de plus en plus compliquées à organiser et les organisateurs Ou c'est peut-être plus structuré au niveau d'un calendrier? Je pense que ça devient de plus en plus difficile. Mounir pourra en parler puisqu'il organise de nombreuses épreuves. Et puis ce qu'il y avait surtout à un certain moment, c'est que je pense qu'il y avait une convivialité assez extraordinaire. Hein. On terminait toujours par un repas. On était un peu des pionniers. D'ailleurs, il y a un film qui est sorti, Free to Run. Je conseille à tout un chacun de le voir. Et ça a un petit peu disparu maintenant. Alors on le retrouve peut-être dans certains trails. On le retrouve aussi dans des courses de montagne. Et puisqu'il y a, on est bien content aussi parfois qu'ils interviennent. Mais il y a des sociétés privés qui ont pris les choses en main, et je crois que là on a perdu un petit peu la convivialité. Alors justement la fédération, et je m'arrêterai là, la fédération française d'athlétisme a repris des épreuves en main, notamment le marathon de Toulouse, implique les associations locales, et les bénéfices qui sont faits, il en reste un petit peu à la fédé, c'est normal, mais en même temps on reverse aux associations, et c'est un petit peu à la différence des boîtes privées qu'on connaît bien et qui font pas mal de bénéfices, et on perd un peu notre âme là-dedans. Et Mounir, c'est un petit peu réel, parce qu'on avait vécu avec toi le championnat de France de cross au Ponté, où c'est que bon, la structure me semblait un petit peu délicate, et du coup on est arrivé avec de l'événementiel et on s'est retrouvé dans une course super bien organisée, mais qui a été autofinancée quelque part un petit peu, parce que c'est comme ça que ça se passe, non, les grandes courses? Oui, les grandes courses, si c'est fédéral, c'est un petit peu organisé une partie par la fédération. Après les courses de village ou les courses sur route, que ce soit hors stade, trail, course, n'importe quelle chose. Aujourd'hui, j'ai tendance à dire que c'est le succès de la course à pied et on va dire aussi le calendrier qui permet peut-être pas de tout rentrer tellement qu'il y a une diversité de cette popularité de la course hors stade. Mais c'est vrai que ça a tendance aussi, comme le disait Jean-Pierre, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de professionnels qui récupèrent certaines courses pour ou les professionnaliser ou les dynamiser, et d'autres où c'est un peu plus compliqué quand c'est une organisation à titre plus bénévole pour la développer. Mais j'ai tendance à dire il y a une complémentarité à trouver. Il y a la fédération aussi qui est en train de faire un bon travail à ce niveau là et puis je pense que aujourd'hui c'est plutôt le succès de la popularité de la course hors stade qui nous dit que dans le futur on sera amené juste à développer ce type de course. Justement, comme Mounir vient de le citer, et que j'allais te dire, Fred, c'est vrai que les France dans 2014 au Ponté ont été une réussite. C'est-à-dire que la FFA est une société qui travaille dans l'événementiel. Et depuis 6 mois, on savait que bon, entre le comité de Vaucluse et le Ponté, les France avaient lieu donc à l'hippodrome de Roberti. Donc, quand l'événement avait été déjà lancé et plusieurs mois avant, c'est vrai que la société a tout mis en place autour de Roberti. On ne reconnaissait pas Roberti. Le seul problème, comme je l'ai dit, je l'ai résumé quelques fois sur l'antenne, c'est qu'on est en perte. C'est pour le cross. Dans les grosses manifestations, comme vient de le lancer Mounir avec toute son équipe pour le CSMA concernant le marathon des Côtes-du-Rhône, l'affaire est bien lancée puisqu'on sait qu'on dépasse déjà les 500 inscrits. Et encore, je sais qu'ils en attendent. Mais la diversité est tellement importante qu'on ne sait plus où donner de la tête. Et le cross, c'est le cross qui est en pâtit. Et justement, ça tombera bien tout à l'heure, puisque d'ici une trentaine ou une quarantaine de minutes, on aura André Giraud. Et au niveau de la politique qu'il veut développer, on pourra lui poser la question justement à ce niveau-là. Ouais. Toi qui es un grand fédérateur, Mounir, parce que tu as ramené pratiquement tous les athlètes, ce fameux CSMA. Voilà, CSMA. Je veux dire, c'est un petit peu ton tendon d'Achille, quelque chose que tu as réussi, parce qu'aujourd'hui on les voit de partout et ces coureurs, et on voit qu'il y a quand même une osmose, c'est-à-dire on est bien dans ce club. Oui, moi je pense au-delà du club, c'est bon, juste pour compléter sur la partie hors stade ce que disait Didier, ouais. C'est que la course hors stade se porte très très bien. Après, ouais, le cross un peu plus difficilement, là on est amené à réfléchir un petit peu pour redynamiser. Et pour revenir sur l'aspect fédérateur, certes, moi on m'a beaucoup apporté, la course VFP m'a beaucoup apporté à titre personnel. Aujourd'hui je fais le maximum pour transmettre et à travers surtout mon implication, que ce soit la plupart des meilleurs, je les conseille, j'essaie de leur transmettre, certains je les entraîne. Et aussi que le CSMA aujourd'hui, certes quand je l'ai récupéré en 2012, c'était l'anciennement CSPTT, il y avait 40-50 adhérents, maintenant ils sont pratiquement 250. J'ai transmis le bâton en 2014 quand je suis rentré à la mairie en tant qu'adjoint au sport. Aujourd'hui c'est une dynamique que j'ai lancé, mais il y a aussi des hommes et des femmes derrière qui donnent de leur temps pour, certes je suis la courroie de transmission qui a permis tout ça, et aujourd'hui je fais pareil sur le Marathon des Côtes-du-Rhône. Juste une petite précision, c'est pas le CSMA qui organise, c'est l'association Marathon des Côtes-du-Rhône avec le CSMA qui porte le label Fédération dessus, et moi aujourd'hui en fait tout simplement j'essaye juste de retransmettre un petit peu ce que la course à pied en général m'a apporté. J'ai porté l'équipe le maillot de l'équipe de France de 2000 à 2010. Je suis un jeune d'Avignon, des quartiers Montclair d'Avignon. Aujourd'hui ça m'a beaucoup apporté dans ma vie, et je retransmets de la meilleure manière que je peux à travers la course à pied en général, mais aussi que ce soit dans une manifestation, dans mon implication sur la ville d'Avignon et sur le territoire avignonien. Jean-Pierre, c'est ça un petit peu les athlètes de haut niveau, de transporter des valeurs comme ça, parce que je pense que Jean-Pierre, toi à travers toutes ces grandes courses, tu ressens toujours un petit peu ce côté simplicité, hein, toujours ces athlètes qui sont toujours donneurs de beaucoup de conseils. J'ai plusieurs remarques à faire. La course à pied, c'est certainement un des seuls sports où l'anonyme peut se retrouver dans une course hors stade en train de courir derrière. Exactement. Jamais devant les champions. On les côtoie. Et j'ai eu, il y a 8 jours, 15 jours, la grande chance, justement, puisque je suis très proche d'André Giraud, il y avait le Décanation, et la veille du Décanation, André m'a invité à partager la soirée de l'équipe de France d'athlétisme, avec tous les champions, notamment, qui ont remporté des médailles. Et j'ai été frappé par le discours, puisque c'était le dernier discours de Bernard Amsalem avec l'équipe de France, puisqu'il s'arrête en décembre, humaniste. Le discours de Gany Yalouz, qui leur a dit, les gars, on va montrer à la France entière dans cette période de crise que la diversité que nous représentons, eh bien, demain, elle sera conviviale. Et surtout, prenez du plaisir demain. Alors, je voudrais qu'on casse un peu cette image de toujours la compétition à tout prix. Bien sûr qu'elle est là. Mais à côté de ça, il y a un humanisme assez exceptionnel. Et on a la chance d'avoir un grand conseiller technique national que Monir connaît bien. Donc, je crois que les athlètes savent qu'ils sont représentatifs et exemplaires. Et Renaud Lavillenie, je ne sais pas si vous avez vu à la télévision, il y avait Canal qui retransmettait, à 5,20 m, il s'est fait un grand plaisir. Il a sauté, et une fois qu'il redescendait de l'autre côté, il a fait un double saut périlleux arrière, il a fait un scalco. On n'était pas là pour voir des performances, les gars étaient épuisés, ils avaient fait les Jeux Olympiques, mais cette convivialité, ça charriait, ça courait, on applaudissait. Voilà, c'est ça le sport, tu vois. Ouais, exactement. Voilà. Et il faut que de l'anonyme aux champions, et ce que fait Mounir, on en parlait tout à l'heure, est absolument exemplaire. Moi, je suis admiratif de son parcours, Mounir. Hein. Il a été, comme on dit, un petit peu jeune des quartiers, il est devenu un champion, il a été dirigeant, il est maintenant organisateur après avoir été élu. Bah écoutez, ça c'est un exemple, et je crois que tous les jeunes en ce moment peuvent se dire, ce qu'a fait Mounir, bon, il faut peut-être pas rêver non plus, mais c'est possible, c'est l'ascenseur, voilà. Alors moi, ce que je sais, c'est que avant que Mounir me connaisse, il a été suivi en cadet quand il a démarré. Avant, il est venu du football par Michel Dich quand il y avait des regroupements au niveau d'équipe de France. Et ce monsieur a été mon premier entraîneur. Et je sais que Mounir en cadet déjà a été dans le suivi de l'équipe de France. Il sait au moins 7 sélections pour Mounir en équipe de France. Je vais quand même vite faire très vite. Un petit rappel. On a... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à minuit, mais bon, c'est que Mounir si à l'apéro en plein air sur 800 mètres, c'est une 45-25 à Zurich le 6 août 2004, sur 1500 3:32-97 à Rome au meeting de Rome le 2 juillet 2004, sur 3000 mètres c'est 7:53-03 à Villeneuve-d'Ascq le 12 juin 2006. On l'est pas là, non, mais pas parce que les enfants, il va trop vite. Et en indoor, sur 800, 1:48-64 à Aubonne en banlieue parisienne, c'était en février 2008. Sur 1000 mètres, 2:25 en indoor, toujours à Liévin, en mars 2006. Sur 1500, 3:38-28 à Stuttgart en janvier 2004. Et sur 3000 mètres, 7:55 à Valence, au meeting de Valence en indoor, le 11 février 2006. Respect. Alors quand on voit ça, déjà, respect. Et puis, à côté de moi, c'est vrai que Jean-Pierre, quand j'ai su que lui, il avait commencé, et c'est le hasard qui a voulu qu'il commence en 70 par une course cycliste à Buis les Baronnies, on peut dire que le hasard fait bien les choses. Et c'est, pour moi, c'était un grand plaisir, et ainsi que pour nos auditeurs de Fly FM, d'avoir ces deux personnages ici dans nos locaux. Ouais. Alors, parce qu'on n'a pas trop parlé de Jean-Pierre, mais Jean-Pierre, la qualité d'homme. Alors, instituteur, je me trompe pas? Tout à fait. Éditeur, fier de l'être. Devenu premier magistrat de la ville pendant combien de mandats? J'ai fait 19 ans, puisqu'il y a un mandat où on a fait 7 ans au lieu de 6. Donc j'ai fait 3 mandats, 19 ans. J'ai été 6 ans adjoint et 6 ans conseiller municipal. Et au bout de 31 ans, j'ai dit, la démocratie, c'est le renouvellement du personnel politique. J'ai trouvé un successeur, il a été élu, et donc j'ai rempli mon mandat. C'est le cas de le dire. Je pense que Sébastien Bernard reprend bien à 34 ans. Ta suite, hein. Oui, il a maintenant plus de 40 ans, mais c'est vrai qu'il continue sur la lancée, puis on est en osmose parfaite, et c'est un humaniste aussi. Et puis aussi, ce que je vais résumer, c'est qu'après, quand en 85, en 75 à Valréas, tu t'es lancé, mais ensuite, de départ, c'est en 83 à Marseille-Cassis. Et 83, c'est une année spéciale, puisque c'est la naissance de ta fille Carole. Ah, tout à fait, j'ai été conseiller municipal et je suis devenu correspondant d'une autre radio qui était France Bleu Drôme-Ardèche, en 83. Et c'est ma date de naissance. Et la date de naissance, il y a plus. Vous voyez que les choses, le hasard fait bien les choses. Ensuite, on a parlé de Marseille-Cassis, Marvachon de Monde, le Marathon de Lille, Paris-Versailles, deux championnats du monde de cross. Le premier, c'est à Aix-les-Bains en 1990. Le second, c'est en 2005 à Sagalmier. Et là, Bekele en 2005. Ah, j'ai eu le plaisir par deux fois, le samedi et le dimanche, alors qu'il avait arrêté un petit peu la compétition, puisque sa fiancée était décédée. Mais j'ai eu le plaisir de lancer deux fois, c'est Bekele qui l'emporte, le samedi et le dimanche, puisqu'il avait doublé le cross-court et le cross-long. Et puis, je ne sais pas si tu vas le dire, mais j'ai eu le plaisir aussi, ici même, en 89, de commenter les championnats du monde de triathlon qui ont vu Marc Allen l'emporter. J'étais avec Pierre Ossessio, on avait les images de Canal+, et pour moi, c'est quand même un grand événement aussi. Ah, tout à fait. Jean-Pierre, tu es ambassadeur de Marseille-Cassis, tu es l'animateur, tu fais partie presque du décor, parce que tous les athlètes me parlent, on dit que je suis un peu la voix de Marseille-Cassis, oui, c'est vrai que ça me fait plaisir. Mais il n'est pas que la voix de Marseille-Cassis. J'irai plus loin, la voix de la course à pied. Et même en Belgique, puisque la descente de l'Alès qui a lieu en Belgique, on dit que la voix de la Provence, c'est grâce à Jean-Pierre qu'elle est là-bas, en haut en Belgique. Ah oui, c'est vrai, tu as dû regarder des reportages sur Internet et compagnie. Et j'oserais ajouter, je voudrais pas te court-circuiter, mais que pendant longtemps, avec André Giraud, justement, l'ASCO Sainte-Marguerite et un particulier, nous organisions le semi-marathon d'Amamet. Alors il y avait Colette Besson qui était avec nous, il y avait Gamoudi qui a remporté 5 titres de champion, et c'était assez exceptionnel. Moi je suis juste content, ça n'a rien à voir, mais je suis juste content de la venue de Jean-Pierre et de Mounir, parce que c'est la première fois depuis que je suis à la radio que Didier Bougon bosse autant une émission et qu'il se pointe avec des notes et que c'est à peu près cohérent ce qu'il raconte. Donc merci messieurs d'être venus ce soir. Non, parce que on essaiera de venir plus souvent pour qu'il bosse plus alors. Parce que ce soir vraiment on est dans l'athlétisme. D'habitude on est en Russie, on fait un petit peu le tour du monde, mais là ce soir c'est bon. Non mais le vigneron il a parlé, on le laisse parler un peu, il faut venir. En tout cas, c'est la bonne humeur. Hein. Voilà. Il est 19h30, est-ce que du côté de la technique, ça s'est amélioré? Non, la caisse à outils est sortie avec le marteau. Alors, on va continuer toujours dans l'athlétisme. Didier, on continue ton récital. Bah, là, nous allons voir un peu sur le marathon des Côtes-du-Rhône qui se profile bien, puisque c'est l'approche, c'est le 23 octobre, le dimanche 23. On va demander à Mounir également à quelle heure le départ va se faire, à quel endroit. Je sais que ça part d'un pont, mais après, c'est à lui le fameux pont d'Avignon. Mais on en est où au niveau des inscriptions? Les inscriptions, je sais qu'ils ont dépassé les 500 personnes. Hein. Oh, 500 athlètes. C'est beau. Pour parler un peu plus du marathon, là, aujourd'hui, je vais faire juste une petite trêve pour dire que vraiment, Jean-Pierre, aujourd'hui, c'est vraiment la voix de la course à pied. D'ailleurs, c'est lui qui va animer le marathon des Côtes-du-Rhône. Et au-delà de Marseille-Cassis, il est connu dans la France entière pour vraiment animer les courses hors stade en général et l'athlétisme en général. Et pour parler plus du marathon, donc le 23 octobre, il y aura le premier marathon des Côtes-du-Rhône. Je pense que c'est ici dans le territoire avignonnais, c'est attendu depuis très très longtemps. C'est l'une des seules villes entre Avignon, Nîmes, Carpentras, où il y a de cette strate en tout cas du territoire avignon, c'est la seule ville où il n'y avait pas son marathon. Moi ça fait déjà depuis 3 ans où ça me trotte dans la tête. Et puis aujourd'hui, je suis content parce qu'on arrive pratiquement à la date, mais je voulais vraiment remercier, ça fait plus d'un an et demi qu'on y est, c'est moi qui le porte, mais il y a toute une équipe derrière. Je pense à Farah Chama, qui est la présidente par exemple du CSMA, à Jean-Michel Ambrosino, qui est le président du tremplin de jazz, et je vais y venir parce que c'est pas au-delà d'un marathon, c'est un marathon à la fois sportif, culturel et festif. Donc on voulait pas faire juste un marathon sportif, c'est aussi dans l'état d'esprit du marathon, un peu du Médoc, du Beaujolais, pour aussi mettre en avant notre territoire et notre patrimoine. Et donc je vais y revenir plus précisément, mais je voulais aussi mettre en avant les personnes qui, ça fait plus d'un an parce que là c'est vraiment associatif et c'est au bon vouloir de l'investissement des uns et des autres. Ahmed Kartoff qui nous aide énormément. Je parle à Aris Duteuil, Damien Maninck, il y a aussi Fred que vous connaissez, Red Jan aussi qui est dans l'ombre mais qui donne aussi des coups de main. Didier Bougon qui sera aussi là le jour du marathon. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment une équipe, et au-delà de ça, c'est un marathon qui a été réfléchi, construit avec le temps, et on n'a pas voulu faire juste un marathon pour faire un marathon, et aujourd'hui c'est un marathon où tout le monde peut participer. On va dire que tu élargis, on va dire, au simple coureur presque, pour venir partager quelque chose d'exceptionnel, puisque s'ils n'auront pas à faire les 42 km en courant, mais ils le feront en marchant, mais ils prendront autant du plaisir. Exactement, et au-delà de ça, c'est que y a, quand je parle que tout le monde peut participer, il y a le marathon solo, il y a le marathon duo et le marathon en équipe de 4. On peut y venir pour participer parce qu'on a voulu à la fois l'homologuer pour que la distance 4295 elle soit officielle. La fédération est venue, l'a officialisée. Donc il y a ça, et il y a aussi la partie vraiment marathon duo en équipe où que tout le monde peut participer. Donc il y a des distances qui sont pas homogènes, une distance qui va de 5 km jusqu'aux 15 km en relais, avec des relais dans plusieurs caves pour mettre en avant la richesse de notre patrimoine. Et tout ça pour vous dire que là aujourd'hui c'est un marathon qui doit faire peur à personne, parce que vraiment tout le monde peut y participer, ce qui fait le succès aujourd'hui. On est à 3 semaines de l'événement, on a plus de 650 inscrits en ligne, on est à un prévisionnel de au minimum 750 à 800. On va, quoi qu'il arrive, arrêter entre 1000 et 1200 parce qu'on va vraiment faire une belle première édition pour préparer la deuxième. On était un objectif au début, pour vous dire un petit peu la petite histoire, le marathon du Médoc, la première année, ils ont fait 300 participants. Aujourd'hui, Jean-Pierre va le dire, ils sont plus de 10 000 personnes. Mais vraiment, on est vraiment content parce qu'on a mis de l'énergie aujourd'hui. Il y a un engouement parce qu'on a fait aussi passer le message que c'est pas qu'un marathon sportif, et c'est un marathon aussi vraiment culturel et festif. Et on a mis toute notre énergie pour faire passer du bon temps aux gens qui vont venir. On a des gens de l'étranger qui se sont inscrits, des Bretons, des Parisiens, de toute la France. Et aujourd'hui, on va vraiment mettre en lumière notre territoire à travers, au-delà de la ville d'Avignon, c'est tout le territoire d'Avignon. Et il y a une grosse partie qui passe, le départ et l'arrivée sont concentrés sur Avignon, 80% qui est sur la partie un peu gare, mais le parcours, il est vraiment magnifique. C'est de moi-même, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres en vélo pour aller chercher l'un des plus beaux parcours. Parce que des fois on a des vues magnifiques, et on part du départ sous le pont d'Avignon, et tous les kilomètres il y a une histoire à raconter. Et là j'ai la personne qui s'appelle Jean-Michel Ambrosino, qui est le président du Tremplin Jazz, qui s'occupe de la mise en valeur du patrimoine, et au petit à petit on va dévoiler tout ça sur le site. Et là on est aussi là pour dire que ce marathon, tout le monde peut y participer. Ça, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Et Jean-Pierre, parce qu'on revient au marathon, il s'en faisait un petit peu des marathons dans le Vaucluse il y a quelques années en arrière. Château-Neuf-du-Pape. Merci. Parce que c'est celui-là qui m'est revenu de suite. Mais un comme ça, c'est peut-être le premier configuration. Oh ben les vignobles, je pense là qu'il y a une organisation assez exceptionnelle, et puis c'est vrai que c'est festif ça, hein, le vin, on va visiter un peu les caves. Non, ça je crois que ça peut atteindre des sommets qu'on n'imagine pas. Exactement. C'est le but. Moi, pour moi, l'idée, c'est vraiment que ce soit l'un des plus beaux marathons en France dans le passé, parce qu'on a travaillé dessus. Quand on parle du Vaucluse, il a existé des courses, mais c'est la première qui va allier à la fois, elle va être homologuée fédération, et aussi qui est dans l'état d'esprit du festif. Je donne l'exemple du marathon du Médoc. Donc, elle n'est pas homologuée fédération, mais tout le monde y va que dans l'état. Là, tu peux venir faire des performances, parce que même le parcours, il a une ou deux difficultés sur la première partie, mais il est très roulant. Ça veut dire qu'il a été aussi choisi pour que les gens qui veulent venir aussi faire une performance viennent, et aussi ceux-là qui viennent faire que, venir que pour la partie festive. Donc c'est vraiment ça l'état d'esprit. Et c'est vrai qu'une ville comme Avignon n'avait pas de marathon. J'étais un peu triste, moi, enfant d'Avignon et de son territoire, amoureux du sport. Et donc voilà, donc aujourd'hui je suis content de l'avoir lancé. J'espère que ça se passera bien et que dans l'avenir on le fera que le faire progresser dans l'avenir. Alors une petite question, tu parles du marathon du Médoc, est-ce que comme là-bas il va y avoir un petit peu organisé des déguisements avec des coureurs qui vont se déguiser? Il va avoir plusieurs... Notre marathon, c'est pas pour parce que ce qu'on l'organise, il va être vraiment unique parce que c'est un mélange de tout. C'est un mélange, il est à la fois festif mais sportif. C'est-à-dire que les endroits où il va y avoir les relais, par exemple le premier relais, il est à la cave de Tavel. Cave de Tavel, seule cave qui est classée dans le monument au niveau du patrimoine au 14e kilomètre, et qui va avoir là-bas un ravitaillement festif. Tous les 5 kilomètres, il va avoir des ravitaillements normal pour les sportifs, de l'eau et tout ça, mais tous les endroits où il va y avoir les relais, que ce soit à Roquemort, à Saint-Laurent-des-Arbres, à Tavel et à Roquemort, il va y avoir un ravitaillement festif où là, où il va y avoir. Ça va être aussi. C'est magnifique. Mais ça va être plutôt. Les marathoniens vont continuer. Certains, ceux-là qui ont envie de déguster, ils dégustent. D'autres qui vont. Il faut avoir 45 bornes, les gars, quoi. Après, ça va un peu tanguer, là. Nous, si tu veux, Mounir, nous, on ira juste au ravitaillement, voir un peu comment ça se passe. Fred, on va suivre un scooter et on fera que les ravitaillements. Fred, on fera le scooter balayé avec Fred. Tiens. Fred, pour terminer sur la question du Médoc, le Médoc, c'est le marathon le plus long au monde. Et pour les raisons, c'est que tous les 2 km, tu as le ravitaillement. Mais là, tu ne peux plus faire de. Il n'y a pas la partie sportive. Donc là, il y a le choix pour tout le monde. C'est-à-dire celui-là qui veut venir faire une performance, il a ses ravitaillements basiques du sportif, et il y a des points de ravitaillement festif. Donc l'état d'esprit, il est unique. Et c'est le marathon des Côtes-du-Rhône qui va le proposer. Ce qui me plaît, parce que vous ne le voyez pas, parce que malheureusement ce soir on n'est pas filmé, d'habitude on était sur Périscope, eh bien c'est Mounir qui... Il a vu sa course, elle est construite, elle est à l'apogée, puisque c'est le départ, c'est dans combien, une semaine ? Trois semaines. Et déjà, on voit qu'il peut nous dire pendant 42 km tout ce qui va se passer de minute en minute, tellement que ça a été mûri, et cette idée, c'est un peu pas ta fierté, je veux dire, parce qu'on avait besoin, c'est vrai qu'on a besoin de ce repère aussi, dans le Vaucluse, je crois, Jean-Pierre. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'est moi. Je vais pas te cacher, Fred, que je peux en parler pratiquement kilomètre par kilomètre, parce que j'ai fait des pagailles de kilomètres. Il y avait dans l'histoire plusieurs parcours qui étaient possibles, mais c'était celui-là qui a été sélectionné parce que c'était le plus beau. Il est à cheval entre le plus compliqué, c'est que là sur la partie technique, c'est que nous organisateurs, c'est qu'il est à cheval sur deux départements, deux agglos, donc deux dossiers administratif beaucoup plus compliqué, beaucoup plus de démarches administratives, mais c'est vrai que cette énergie vaut le coup pour la richesse de ce parcours et de ce qu'on peut mettre en avant sur la partie sportive et patrimoine. Que si tu peux en parler, bien sûr, le 14e kilomètre. Allez, juste après, je veux savoir, moi. Sur le 14 km déjà, je peux vous assurer déjà, il va valoir le coup. Parce que le 14 km, c'est un petit peu dans toutes les jambes de tout le monde, là. Hein, je peux te parler au deuxième kilomètre dans l'histoire, ça veut dire le départ se fait juste avant le pont d'Avignon. Au bout de 2 km pratiquement pile, tu arrives à la tour Philippe le Bel qui est dans l'histoire, encore le pont d'Avignon, c'est donc voilà, il y a toute une histoire comme ça qui est construite sur le parcours. Pratiquement kilomètre par kilomètre, je peux t'en parler. Et c'est vrai que ça, là, il faut l'apéro et aller jusqu'à minuit. À tous les cas, ça se termine où les 42 km? On revient sur Avignon, sur la place d'Horloge. À vol d'oiseau, en fait, le départ se fait sous le pont d'Avignon et l'arrivée se fait exactement pratiquement en face de l'autre côté du pont à la Barthelasse, où il va avoir la concentration du village qui est au centre de loisirs de la Barthelasse, et juste en face le pont d'Avignon, de l'autre côté à la Barthelasse, c'est l'arrivée, ça fait en face. Jean-Pierre, tu vas suivre avec une moto émettrice comme tu fais d'habitude ou non? Pour commenter non, je pense qu'on est en train de calculer un petit peu, mais je crois qu'il y aura un peu des correspondants et des représentants. Exactement. Un petit peu à tous les endroits, et qui me tiendront au courant, qui passeront qui passeront à l'antenne, enfin voilà. À l'antenne de oui, mon... exactement. Tu feras vivre ça en direct à toutes les personnes qui seront là, quoi. Du mieux exactement. Que je pourrai, et puis des représentants qui seront sur le circuit, qui feront un petit peu la même chose et qui passeront dans les haut-parleurs. On essaiera qu'il y ait le maximum de personnes, hein, justement. Il y aura dans l'organisation plusieurs correspondants qui sont en moto sur l'animation, parce que toutes les zones de relais, il y aura une animation qui sera mise à disposition, les relayeurs qui vont terminer, et aussi des CBIS qui vont donner en direct avec Jean-Pierre les informations des différents coureurs, les coureurs qui viennent pour le challenge déguisement. Il y aura pas mal d'anecdotes, il y a le challenge entreprise, le challenge des domaines, il y a pas mal de choses qui sont à l'intérieur qui vont faire vivre aussi le marathon, et que Jean-Pierre va faire vivre à travers tous ses correspondants. Oui, l'intérêt, c'est qu'on ait le plus possible de renseignements, que les gens interviennent le plus possible, qu'il y ait le direct qui prime, et puis bien sûr, nous, après, autour, on habillera, quoi. Exactement. Voilà, en plus, l'île de l'appartenance sera un jour de fête ce jour-là. Ah là là, ben on avait déjà fait... Hein, des épreuves, on a fait aussi une année, là il y avait eu le parcours du cœur qui le était là-bas. Le parcours du cœur, il y a plein de des scolaires. Ouais. C'est bien. On a peut-être le futur président de la Fédération française d'athlétisme au téléphone. Tout à fait. André Giraud. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Dédé. Fly FM avec Frédéric Demény, responsable des sports. Alors, à mes côtés, j'ai notre ami Jean-Pierre Buix, et juste en face, à l'opposé, j'ai Mounir Yemouni. Et justement, je sais que vous êtes très pris, on va essayer de faire très vite, puisque vous sortez du métro, vous êtes sur Paris là. Hein. C'est ça, je sors à l'instant du métro. D'accord. À Marseille. Hein. À Marseille, ah c'est Marseille. À Marseille. Mais connaissant votre emploi du temps, ça ne m'aurait pas étonné aussi que... Donc, venons-en, on sait que les élections au niveau de la FFA, c'est début décembre. C'est ça, le 17 décembre. 17 décembre. Donc... Votre programme, est-ce que vous pouvez nous le résumer et on peut en débattre un peu, puisque je sais que vous êtes à la fois une personne très active au niveau de la Ligue de Provence, vice-président aussi de la Fédération française d'athlétisme. Et je vous laisse le choix libre de nous énumérer un peu les points les plus importants de votre programme. Oui, eh bien, écoutez, déjà, je voudrais saluer mes amis. Jean-Pierre et Mounir, hein. Bonsoir, je pense qu'ils André. Ont déjà dû parler pas mal d'athlétisme, et je me réjouis déjà qu'ils soient à vos côtés. Donc en termes de programme, c'est sûr que notre programme va être dans la continuité, va se situer dans la continuité de ce que nous avons fait avec le président Bernard Amsalem, puisqu'aujourd'hui nous avons un bilan qui est satisfaisant à tout point de vue, autant sur la croissance du nombre de licenciés, qui est passé de 150 000 à 300 000 en l'espace de 3 mandats, et au niveau des résultats aussi de l'équipe de France, avec un record de médailles obtenu à Rio. Donc de ce côté-là, on est bien parti. On peut dire que la fédération est sur de bons rails. Toutefois, il nous semble, enfin l'équipe qui va m'accompagner, il nous semble que la fédération, au cours des mandats, des derniers mandats, a avancé de façon très professionnelle et très rapide, et que peut-être, même je dirais certainement, à la base, ça n'a pas toujours suivi au niveau de la structuration. Donc notre programme va surtout être axé sur la structuration des clubs, des comités, des ligues, de façon à faire partager toutes ces valeurs que nous avons mises en place au maximum de monde, et à faire en sorte que la pratique de l'athlétisme se développe encore plus. Très bien. Par contre, c'est vrai qu'on avait mis un petit aparté là tout à l'heure. C'est ce qui nous touchait, c'est au niveau du cross où on sent une stagnation depuis quelques années. Oui. Et justement. Écoutez, oui, bien sûr. Mais là aussi, ça fait plusieurs années aussi qu'on réfléchit. Comment aujourd'hui relancer la pratique hivernale du cross? Alors, c'est vrai que on fait un constat. Les solutions n'ont pas été trouvées. Parce que sinon, on les aurait appliqués. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une diversité des pratiques, je parle pour le grand public, hein, et en particulier des courses nature, des trails, des courses qui ressemblent au cross, mais sur des longues distances, et qui attirent davantage les publics. Donc, le cross ne sera pas abandonné. Le cross doit retrouver toute sa place au sein de l'athlétisme hivernal, et nous allons travailler dans chaque territoire, parce qu'il y a aussi là des spécificités territoriales importantes. Par exemple, dans tout l'ouest du pays, le cross, ça marche bien. Oui, le côté est, ça marche moins bien. Oui, donc, c'est vrai. On va essayer de créer des conditions pour que les cross soient davantage ouverts vers le grand public. Et je pense que si nous y parvenons, les gens reviendront faire du cross. Le problème que nous rencontrons, c'est que le cross est avant tout est vu sous l'aspect compétition, et que la compétition, parfois, ça... ça empêche le grand public de participer, parce que les gens aiment bien venir courir pour leur loisir, pour leur bien-être, mais pas obligatoirement pour réaliser une performance. Je sais que dans l'équipe avant, avec autour du DTN, Annette Sargent était présente au niveau national et international pour, disons, relancer au sein de, des équipes de France, hein, aussi bien des jeunes que des moins jeunes. Est-ce que vous comptez toujours poursuivre cette idée aussi ? Oui, oui, tout à fait. Le plan qui a été mis en place sera poursuivi. Je vous dis, avec une réflexion encore plus approfondie, comment amener plus de jeunes à la pratique, et peut-être en revoyant un peu certains formats de compétition. D'accord. Et donc, quand vous faites courir des Benjamins le dimanche à midi, eh bien, peut-être que les parents n'ont pas trop envie de venir passer leur dimanche au bord d'un terrain de crosse à midi, quoi. Vous voyez ? Donc, il y a peut-être aussi des horaires à retrouver, des distances nouvelles, voilà. Donc, il faut qu'on vraiment il y a une réflexion qui soit menée à ce niveau-là, mais en concertation avec tous les acteurs de terrain. Très bien, oui. Ben, c'est vrai que les petits bouts de chou, quand ils ont couru, après, c'est vrai que les parents, la famille part et on le constate sur certains terrains. Et à ce niveau-là, bon, ben, tant mieux, hein, puisque c'est vrai que le cross, c'est la base de tout, hein, au niveau du demi-fond comme du demi-fond long. Hein. Allô ? Oui, c'est ça. Je vous écoute. Ça avait coupé là, excusez-moi. Sinon, oui. Vous m'entendez là ? Oui, oui. Je pensais qu'il y avait un petit problème technique, justement. Sinon, côté de vos équipes, toutes les équipes sont en voie et sont sur le chemin, disons, de la gagne ? Eh oui, écoutez, je pense qu'on a bien travaillé depuis le printemps dernier. Nous sommes organisés. Je lance officiellement la campagne la semaine prochaine à Niort à l'occasion de la Coupe de France de spécialité des relais. Donc nous, on est en ordre de marche. J'ai même un problème de riche puisque j'ai plus de candidats que de places sur les listes. Vous voyez. Donc on est en train d'affiner aujourd'hui de façon à respecter trois critères. Le premier, bien entendu, c'est la parité puisqu'elle est imposée par la loi. Le second, c'est l'équilibre territorial. Donc il faut que dans l'équipe, il y ait des gens de toutes les régions. Et le troisième, c'est faire en sorte d'amener de nouveaux dirigeants, donc un rajeunissement. Et donc la liste que je présenterai certainement début novembre, qui sera ficelée début novembre, va remplir ces trois critères. Très bien. Ben, je vais vous passer quelqu'un que vous connaissez, puisque... Dédé, oui. Oui. Quand on parle d'André Giraud, je ferai presque un petit parallèle que j'ai fait tout à l'heure avec Monir. Moi, j'ai connu André dans les années 75-80, hein, et tu étais coureur à pied. Tu as été vice-champion de Provence FSGT de marathon, je le rappelle, donc tu sais ce que c'est que les choses de l'athlétisme en tant que coureur. Tu as été organisateur, tu as été dirigeant, tu as rejoint la tête de l'équipe de la Fédération Française d'Athlétisme. Je pense que tu as une passion, moi, que je connais énormément, puisqu'on a le plaisir de se côtoyer, et je crois effectivement que tu connais toutes les phases de l'athlétisme, et que tu en parles avec passion, et que tout ce que tu le fais, parce que tu aimes ça. Et donc ça, c'est vrai que je tiens à te rendre hommage, parce que tu es un exemple, je crois, pour tous ceux qui ont envie aussi de s'occuper de l'athlétisme. Ben oui, c'est vrai que pour se lancer dans cette aventure, qui est quand même bon, une aventure assez importante, disons, c'est un challenge à relever. J'ai été sollicité par de nombreuses personnes issues de tous les milieux, hein, de l'athlétisme, mais même de l'extérieur, et qu'avant de prendre la décision de conduire une liste et d'être candidat à la présidence, j'ai quand même, pas mal consulté. Et puis la confiance qui va m'être accordée aujourd'hui par un grand nombre de personnes m'a encouragé à franchir ce pas. Je sais que ça sera difficile, hein, je ne nie pas la difficulté, mais voilà, donc je crois qu'animé par la passion et puis par l'expérience que j'ai pu acquérir auprès de personnes très très compétentes à tous les niveaux, ben, je pense être prêt pour assumer cette tâche avec le sport olympique numéro 1. Voilà, je crois que bravo, hein, on voit que ce président est dynamique, espérons qu'il soit élu, hein, et que tout se passe très bien, hein, messieurs. Voilà. Merci Dédé, merci. Je ferai dites à Mounir que si je suis élu, je lui réserve une visite à Avignon. Hein. Ah, bah, super. Et j'espère même si t'es pas élu, André, parce que je vais juste dire deux mots. Je viendrai Mounir. André, je voulais juste te dire deux mots déjà pour te féliciter pour tout le travail que t'as mené au sein de la Ligue, et je dirais aussi sur la Fédération, je te connais depuis longtemps, quand j'étais étais en équipe de France et aujourd'hui je te suis toujours dans ton parcours et tout ça pour te dire que tu nous as aussi rassuré parce que je pense qu'il y a eu un très bon travail au niveau de la fédération. Je connais bien Bernard Amsalem et je sais le travail qu'il a effectué et aujourd'hui ce qui peut-être manque un peu plus c'est un peu plus de soutien pour structurer un peu plus les clubs. Ouais. Tu nous as bien répondu et je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas énormément de choses à faire, juste vraiment avoir une équipe jeune et dynamique et repartir avec vraiment toute l'énergie que tu as mis jusqu'à présent sur la course à pied, tout simplement. Voilà, et puis vous pouvez, Mounir, toi, tes amis, en fait, tous les passionnés d'athlétisme, peuvent consulter sur le programme, sur le site internet qui s'appelle athlé2020.org. Voilà. C'est noté. Allez, je merci. Pense à tout le monde. Allez, merci beaucoup, allez, bonne soirée. Merci André, et puis bonne chance pour ce super challenge. Hein. Allez, on va y revenir à la pub. Ah, on va y revenir. Allez, on est revenu bien sûr dans Chrono Weekend, on est bien sûr dans Focus. On fait juste une aparté, on va parler du World GBC Tour. C'est la 11e édition qui va se dérouler du côté de Mazan. Ça va être à la Boiserie. On a le retour bien sûr du nonuple champion du monde, 8 fois champion du monde de boxe point, c'est Bruce Caudron. Il y aura bien sûr une attraction dans cette soirée, ça sera Knight Idi Slimani, lui aussi champion d'Europe il n'y a pas très longtemps. Lui aussi défendra sa couronne du World GBC Tour. Mais je vous propose d'écouter Bruce Caudron, 2 minutes et après on revient à l'athlétisme puisqu'on a des invités sublimes ce soir, 7 en direct sur Fly FM. Je vous propose d'écouter Bruce Caudron, juste un extrait de son interview qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Alors Bruce, on revient un petit peu sur ce World GBC Tour numéro 11. Je crois que c'est le grand rendez-vous, c'est surtout ton retour, où on en était un petit peu de ta blessure parce que ça t'a éloigné un petit peu des rings et je crois que ça y est, cette fois-ci, tout est guéri. Ça y est, enfin, ben, ça fait un an que j'avais plus boxé depuis le dernier World GBC Tour qui avait eu lieu à Mazan. Enfin, un retour avec un combat de rentrée qui s'annonce assez rugueux et compliqué. Bon, au moins comme ça, ça me permet pas de situer mon niveau et où j'en suis. Où on en est un petit peu aussi de ce World GBC Tour? Est-ce qu'on attend beaucoup de public? Est-ce que les combattants ont tous répondu présents maintenant? Parce que des fois, il peut y avoir des défections en dernière minute. Puis, pas de soucis cette année. Tous les matchs ont tenu le cap, même s'il y a eu un petit changement de ça quelques temps déjà. Donc, ça n'a rien changé à la fiche. Donc on a en fait que les places sont très bien vendues. Il reste quelques places encore, donc voilà, je pense que le mieux c'est de venir aller chercher au plus tard à la conférence de presse des pesées qui aura lieu le vendredi 7 à la Boiserie, à partir de 18h le début de la pesée. Donc voilà, parce que les places sont très vite parties. Ouais, quand on parle un petit peu d'opposé, c'est vrai que pour les boxeurs, on a souvent quoi, ça, ce repère là, hein, on est toujours à la limite, des fois on craint un petit peu cette pesée le vendredi. Hein. Eh ben ouais, ben c'est ça. Bon, moi pour cette année, ben, j'aurai un peu de marge parce que je vais boxer dans la catégorie de mon adversaire, moins de 72 kilos. Donc ce sera moins dur qu'habituellement. Parce qu'habituellement je boxe à moins de 70 kilos. Donc voilà, j'ai juste marre, donc je serai bien au poids, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est, pour les combattants, c'est un repère. La pesée, c'est un peu le premier round du combat. Il faut être au poids. Voilà, si on fait une bonne préparation, ben, c'est genre déjà physiquement qu'on est prêt. Et c'est le bon cœur pour la suite. Ouais, toujours ce gros plateau, hein, avec en fin de réunion, peut-être ton grand retour sur tout le monde va t'attendre. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Tu es toujours en fin de réunion dans ce World GBC Tour? Exactement, c'est ça. Ouais. Je serai sûrement le dernier combat de la soirée. Ça ne me dérange pas et au contraire, ça laisse monter tout mon impression. Voilà. Alors j'aimerais, Bruce, si tu me l'accordes, rendre hommage un petit peu à toutes les personnes qui ont œuvré quand même pour ce World GBC Tour. David Blanc, c'est bien sûr le chef d'orchestre. Magali, et peut-être j'en ai oublié. Ah, bien sûr, je pense qu'il faut oublier personne parce que c'est vrai que les boxeurs sont mis en avant, mais ils sont mis en avant parce que il y a toutes les personnes qui œuvrent à côté. David Barron, le président, Marie Doudoul, qui est vice-présidente et qui amène un peu tout le déco et tout le côté spectacle. Mais bon, faut pas oublier non plus tous les bénévoles qui œuvrent ça depuis chaque année, depuis de nombreuses années. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à avoir un super spectacle de qualité et de niveau professionnel. Voilà, c'était un petit peu l'extrait avec Bruce Caudron. On retrouvera bien sûr tous ces boxeurs. samedi soir, vendredi soir, n'oubliez pas la posée à la boiserie à Mazan. Et bien sûr, le début des combats, ce sera à 19h. Et bien sûr, un point d'orgue, Night Slimani et Bruce Caudron. Ce sera à la fin de la réunion, ce sera dans la tour de 22h. Ce sera l'apothéose pour ce World GBC Tour numéro 11. On ferme la boxe, point pied, le Kerwan, et on revient à l'athlétisme avec nos invités, Jean-Pierre Mounir. Tout à l'heure, on a eu peut-être le futur président, Didier. Ouais, on est en pleine dedans. C'est dommage que Jean-Yves soit parti, parce que tout à l'heure, il m'a branché. Mais j'ai tellement transpiré que j'étais dans mes startings que là, maintenant, j'aimerais bien le... Bon, on a trois minutes, alors. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais j'aurais voulu faire perdre quelques kilos à Jean-Yves, et c'est dommage. On n'oublie pas quand même ce marathon qui va arriver. Jean-Pierre, qui est multifacette, on était en train de parler. Il y a une petite anecdote qu'il devait nous dire il y a quelques minutes. Est-ce que ça va revenir, Jean-Pierre? Public relation. Oh oui, nous étions, puisque je suivais souvent l'équipe de France. Nous avons fait Barcelone, on a fait Berlin. Et nous étions au Club France. Et il y a un animateur de la soirée qui avait lancé des hymnes nationaux de tous les pays du monde, puisqu'on était au championnat du monde d'athlétisme, et il fallait qu'on reconnaisse les hymnes. Alors, il y avait une équipe de la Drôme dans laquelle j'étais, et puis Mounir était avec des copains à lui d'Avignon, il y avait son frangin. Eh bien, on a été battu à plate couture. Et on a été quand même bon, on a terminé deuxième. Bon, je ne sais plus ce qu'on avait gagné, mais lui, eux, ils avaient gagné des bouteilles de champagne, et nous étions à minuit, 1h du matin, là-bas, à Berlin. À vous, Jean-Pierre, que j'étais fair-play, parce qu'on a partagé tout le champagne. Et à 1h du matin, on avait bu le champagne ensemble alors que lui aurait dû le boire avec ses copains. Voilà, donc il y a une amitié qui nous lie depuis un moment avec Mounir. Alors ce qui me plaît, c'est que le spiritueux va bien avec la course à pied, parce que j'entends le champagne, veine depuis tout à l'heure. La troisième mi-temps, c'est important, je pense, quoi qu'il arrive. La convivialité, jamais d'abus, mais une convivialité. Je pense dans le sport, on sait aussi se faire plaisir au-delà de se mettre une rigueur. Oui, Didier. Vrai que j'ai pas eu trop d'échanger, mais c'est vrai que Jean-Pierre m'avait invité suite à un podium que j'avais fait à Buis-les-Baronnies pour une troisième mi-temps où j'avais 60 et j'avais gagné 60 bouteilles de vin. Son point, mec. Alors le marathon des Côtes-du-Rhône, c'est la date exacte, parce qu'il faut encore la répéter, parce que ce soir on est là un petit peu pour ça. Dimanche 23 octobre. Et tout le plaisir sera, c'est que moi je serai sur un endroit du parcours, Fly FM, j'espère que Fred tu seras là. Mais oui, parce que ça va chauffer sinon pour tes oreilles. Je vais venir parce que. Il y a un gros week-end sur Avignon avec France-Angleterre rugby à 13 la veille. Exact. Et le marathon des Côtes-du-Rhône sur Avignon. D'accord. Ah oui, ce sera le week-end esprit spécial Avignon. Hein. Je crois qu'on oubliera. Voilà pourquoi Jean-Yves est parti. C'est pour ça que je l'en veux. Parce qu'il nous a dit de participer le samedi à ce match France-Angleterre en rugby à 13, et le lendemain on remet ça en plus à Avignon pour ce marathon des Côtes-du-Rhône. Jean-Pierre, plein de bonnes choses pour cette saison de commentaires, de discours, de la voix du Marseille Cassis. Je peux dire qu'il a commenté à Rio. Ça continue, oui. J'ai fait le reportage puisqu'on avait un drômois, Kevin Meyer, et France Bleu Dromardais, je m'avais demandé d'être un petit peu le représentant de Romain à Rio, donc j'ai commenté les exploits de Kevin Meyer et puis de bien d'autres, et ça a été un immense plaisir pour moi. Et puis on a encore des courses qui arrivent, et surtout c'est l'amitié, la convivialité de se retrouver entre nous, de faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la personnalité, c'est fabuleux. Mounir, le dernier mot, la vie d'Avignon se construit. C'est vrai que moi je vote pour un truc, j'espère un jour revoir un complexe sportif multifonctionnel. Est-ce qu'un jour on aura ça sur Avignon? Exactement, là j'y travaille dans mon autre casquette qui est d'élu. Là, j'enlève ma casquette d'organisateur parce que là c'est différent. Ouais. Moi aujourd'hui je me suis engagé en politique, pas pour faire des carrières politiques, c'est parce que vraiment j'aime ma ville et le sport. Et l'objectif c'est tout simplement c'est de redonner... redonner sa lettre de noblesse au sport du territoire avignonnais. Dans les fins des années 80, on était l'une des villes les plus sportives en France. Aujourd'hui, je vais relancer le chantier qui est énorme. Il y a beaucoup de choses qui sont parties, comme je donne une anecdote, c'est aussi dans mon sport, mais il y a sur plusieurs sports, des gymnases qui vont se construire. Une piste d'athlétisme qui a été laissée à l'abandon depuis 30 ans, qui est en cours, qui va être inaugurée dans quelques mois. Il y a le gymnase Ginicou du plus gros club club du Vaucluse et le plus ancien de l'ANT, qui va plus de 4 millions d'euros, qui va être investi avec un palais qui va plus d'une double de surface. Et il y a tout un programme, un PPI qui a été voté par notre municipalité, qui va se mettre là jusqu'en 2020. Et aujourd'hui, moi, vraiment, c'est mon énergie que je vais mettre, pas pour des manières politiques, mais vraiment parce que j'aime mon territoire et le sport, et je mettrai toute mon énergie, et puis je redonnerai aux autres politiques, ceux qui ont envie de faire de la politique. Ça, c'est magnifique. Je crois que j'avais besoin d'attendre ça, parce que bon, Avignon est la ville phare du Vaucluse, et on a besoin de personnes comme toi. Messieurs, bravo. Ce fut un plaisir. Toute l'équipe, bonsoir. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Bélussi, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.bélussi.fr.